Neza. Vendredi 4 janvier 2019, bonjour et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les titres. Le ministère de la Justice tranquillise que les maisons récemment annoncées qu'elles seront vendues pour constituer des indemnités pour cause d'avoir probablement été utilisées dans les crimes resteront protégées si du moins elles ne sont pas impliquées. Vous entendrez la ministre Aimé Laurentine et Kanyana. Encore sans vie a été retrouvée dans le matin de son vendredi dans le quartier Nyabagire de la zone Gihosha en mairie de Bujumbura, tandis qu'une personne a été tuée par balle le soir de ce jeudi par des personnes non encore identifiées à la frontière de la colline Jimbe-Murambi en province Makamba. Le haricot a connu une hausse du prix de 50% dans la ville de Ruyigi dans la période des mois seulement. Et dans la chronique environnement, nous revenons sur le traitement des déchets ménagers fermentescibles. Voilà pour le sommaire de ce journal, mis en onde par Eric Wiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Nous débutons ce journal par la page gouvernance. La corruption serait parmi les causes principales de l'existence des jus fabriqués illégalement sur le marché. Les propos sont du président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM. Faustin Dikoumana considère que les aliments comme des sont considérés comme des médicaments car pour lui, ils peuvent guérir ou mettre en danger la santé humaine. Il interpelle le gouvernement à renforcer la capacité du bureau burundais de normalisation BBN afin de s'assurer du contrôle de toutes ces boissons mises sur le marché. Suivez. D'abord, l'industrie alimentaire, c'est une industrie qui exige beaucoup de délicatesse pour assurer son développement dans un pays. Parce que la nourriture, c'est comme les médicaments. Elle peut nous faire une santé aussi, elle peut nous causer du tort au niveau de la santé. C'est pour cela que les maisons, comme BBN, chargées de la certification des produits, surtout les produits alimentaires, est d'une importance capitale et primordiale. Mais malheureusement, avec l'absence de la politique nationale d'industrialisation actuellement, les gens s'arrogent le droit de mettre du n'importe quoi sur le marché, surtout des produits alimentaires. Et ça se généralise, malheureusement. Et nous constatons que les citoyens s'accommodent de cette situation qui est extrêmement dangereuse. La situation se présente ici, après le tour du ministère du Commerce et sur presque toutes les unités de transformation du jus. Mais ce qui s'observe, c'est que ces jus fabriqués illégalement et qui pourraient être nuisibles à la santé humaine continuent à être fabriqués. À votre avis, quelle en est la cause? On y voit beaucoup une odeur de corruption parce que le comportement des pouvoirs publics à travers ces institutions, la police, le ministère, on y voit vraiment une sorte de manque d'efficacité pour éradiquer ce fléau. Ça montre qu'il y a une odeur de corruption, ça veut dire qu'il y a des gens qui corrompent les services publics pour ne pas agir avec efficacité, ou bien ce sont des agents de ces services qui pourront avoir des capitaux dans ces soi-disant entreprises qui sont en train de fabriquer ces jus. Pour éviter que la santé humaine soit en danger, que pourriez-vous conseiller au gouvernement en général et aux consommateurs de ces jus en particulier? Ce que nous demandons d'abord, c'est donner l'importance à un appui politique nécessaire à la BBN. Lui donner même les moyens juridiques, techniques pour sévir contre ce fléau. Il demande à la police, au service national de l'enseignement, à la société civile et autres partenaires concernés de faire des enquêtes profondes pour trouver vraiment la main des gens qui est derrière la propagande de ces industries qui sont entrées et de provoquer du tort à la santé publique. Aussi, il faut que l'État puisse mettre en application, valider la politique nationale d'industrialisation pour orienter les gens. Sinon, on est en train de perdre du temps. Et nous lançons un appel aux citoyens burundais de faire examen de conscience, leur santé, de faire une vigilance citoyenne, une solidarité citoyenne pour dénoncer de tels actes. Sinon, la situation peut devenir dangereuse davantage pour leur santé. Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, au téléphone avec Vestine Boutoyi. Sur la page énergie, le manque de carburant de type mazout qui s'observait va bientôt être vidé du moment que des quantités nécessaires sont en cours d'importation. Les précisions sont du ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines ce jeudi à l'hémicycle de Kigobe lors de l'analyse du projet de loi relatif à l'adhésion du Burundi à l'Alliance solaire internationale. Le ministre, comme Manila Kiza, en outre expliqué que les fluctuations sur le marché international ne s'observaient pas directement au Burundi. Suivez-les dont les traductions ont été traduites par Elinibele Nibigira. Mumizeze igiciro cy'igitoro cyarashuye kuduga dukurikije uko cyifashe mu makungu. Il y a des jours, le prix des produits pétroliers a été revu à la hausse en suivant le marché international. Puis, des problèmes se sont manifestés, mais ces derniers jours, il a été constaté que les importateurs de mazout ont voulu revoir à la hausse ce prix. De notre côté, nous avons constaté que le prix du mazout chutait sur le marché international. Cependant, s'il y a des fluctuations sur le marché, cela ne veut pas dire que ça se manifeste directement au Burundi. Ça prend des jours parce que certaines quantités ont été déjà envoyées sur leur coût d'achat alors que d'autres arrivent au pays après. Nous nous sommes rendus compte que parmi les importateurs de mazout, certains auraient diminué les quantités et amené surtout l'essence, ce qui a causé un déséquilibre mazout-essence. Les commerçants choisissaient où ils tirent plus de profit. Ainsi, les stocks de mazout étaient inférieurs comparativement aux stocks de l'essence. Malgré cette situation, nous y avons consacré plus de force. Ça prend le cours normal. Actuellement, les quantités de mazout sont importées en grande quantité afin de vider la question. Je vous tranquilliserai, la situation va redevenir normale. On y consacre plus d'énergie. On espère que la chute des cours au marché international se manifestera au pays. Kumbure ingene byosubirira kugenda kugira ngo ibintu bisubire mu buryo. Le ministre Comme Manirakiza traduit en français par Moïse Misago et non pas Elinibel Nibigira. Encore sans vie, non encore identifié, a été retrouvé ce matin dans le quartier Nyabagere de la zone Geosha en mairie de Bujumbura. Selon la police, cet homme aurait été étranglé à l'aide d'une corde. L'administration à la base à Nyabagere affirme qu'il serait tué ailleurs et amené par après à bord d'un véhicule la nuit et puis jeté dans cette localité. Une personne a également été retrouvée a été tuée par balle le soir de ce jeudi par des personnes non encore identifiées à la frontière de la colline Jimbi et Murambi dans la commune Kibago de la province Makamba. Zenon Ishimwe, administrateur de cette commune, indique que la personne tuée était commerçant et changeur de monnaie et se déplaçait en moto avec son ami venant du marché communément appelé chez Buhinja. Son confrère n'a pas été touché et a été arrêté pour question d'enquête. Dans le commissariat de police à Makamba, l'on indique que l'enquête continue et 3 personnes ont déjà été arrêtées dans cette affaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h06 au studio de la radio Isanganiro sur la page santé, les restaurants et bistrots de la province Cibitoke enregistrent un manque de latrines. Le technicien pour la promotion de la santé et le commissaire adjoint chargé de la police et de la protection civile affirment que les administratifs ne veulent pas collaborer avec eux sur cette situation. Le gouverneur de la province Cibitoke, quant à lui, précise que l'hygiène doit être une activité de première nécessité à la population. Alexis Ndaïra. De plus de 20 petits restaurants visités au chef-lieu de la province de Cibitoke, 10 seulement possédaient des latrines. Également sur plus de 20 bistrots visités au chef-lieu de la province de Cibitoke, 15 seulement en possédaient. Au chef-lieu de la commune Rugombo, surtout au quartier Swahili, dans presque tous les bistrots et petits restaurants, les latrines sont quasi inexistantes. Le technicien provincial pour la promotion de la santé à Cibitoke, rencontré, nous a affirmé que son manque de latrines s'enregistre également dans plusieurs restaurants et bistrots de 6 communes de la province de Cibitoke. Situation qu'il partage avec le commissaire adjoint de la protection civile en province de Cibitoke. Et le technicien pour la promotion de la santé et son commissaire indique qu'il existe un manque de collaboration avec les administratifs, surtout communaux. Le technicien pour la promotion de la santé indique que des fois il reçoit des menaces des personnes qui n'ont pas voulu préciser lorsqu'il se rend sur terrain. Le responsable d'hygiène à Cibitoke affirme qu'il va tenir une réunion de sensibilisation aux techniciens communaux pour la promotion de la santé afin de mobiliser, de sanctionner les récalcitrants. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Joseph Teriteka, précise que la collaboration doit avoir lieu entre ses administratifs et les responsables d'hygiène. Le gouverneur Teriteka termine en exhortant les administratifs à s'atteler aux activités de promotion de la santé, activités qui doivent être ressources premières nécessitées pour sa population, selon toujours cette autorité. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. De Chibitoke, rendons-nous à Ruyigi pour parler du commerce. Le prix du haricot a connu une enchère de 50% dans la ville de Ruyigi dans une période d'un mois seulement. Les vendeurs disent au détail disent qu'ils trouvent difficilement ce produit pour l'approvisionnement. À la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Ruyigi, on fait savoir que la rareté des haricots dans ces jours serait due à l'habitude qu'ont les cultivateurs de ne pas mettre les produits sur le marché au lendemain des fêtes. Jean-Claude Chemiliman. 1 kg d'haricots est acheté ce vendredi à un prix variant entre 1400 et 1600 francs burundais dans différents kiosques se trouvant aux abords de différentes rues de la ville de Ruyigi, de même qu'au marché, au moment où il était acheté à un prix variant entre 1000 et 1100 au début du mois de décembre dernier. Les vendeurs au détail contactés disent qu'ils ont du mal à s'approvisionner pour ce produit puisque les cultivateurs ne mettent pas leur production au marché dans ces jours-ci. Également, les vendeurs au détail font savoir que le haricot est introuvable chez les commerçants grossistes, d'où la hausse des prix là où ce produit est encore trouvable. Les commerçants grossistes qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent qu'ils n'ont pas actuellement d'haricots dans leur stock. Festus Niabose, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, fait savoir que les cultivateurs ont l'habitude de ne pas mettre au marché leurs produits au lendemain des fêtes de fin d'année. Aussi, il dit que c'est compréhensible que les commerçants grossistes ne disposent pas encore d'haricots dans leur stock, puisque ceux-ci ont été constitués au mois de juillet, et précise que les grossistes avaient intérêt à écouler ce qu'ils avaient avant que la production de la saison culturelle A ne soit mise au marché. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Isanganiro. Parlons justice. Je vous l'avais dit dans les titres, 4 nouvelles cours d'appel seront mises en place dans le but de faciliter les justiciables, annonce Demé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, lors d'une rencontre ce vendredi avec les responsables de la région judiciaire de Bujumbura sur la question des maisons annoncées qu'elles seront vendues pour constituer des indemnités pour cause d'avoir probablement été utilisées dans les crimes. La ministre Kanyana tranquillise que les maisons non impliquées resteront protégées, ajoutant qu'elle n'a jamais donné nominativement des propriétaires des maisons en question. Elini Bele Nibigira. Ces 4 nouvelles cours d'appel dont parle la ministre de la Justice Aimée Laurentine Kanyana, c'est la cour d'appel de Makamba qui recevra les recours en appel des provinces de Makamba et Rutana, la cour d'appel de Mura, celle de Ntahangwa ainsi que celle de Mukaza en mairie de Bujumbura. Il s'agit de la cour d'appel de Ntahangwa qui va accueillir les recours en appel provenant des provinces judiciaires de la commune de Ntahangwa, le ressort du tribunal de grande instance de Muramvya, le tribunal de grande instance de Bubanza et Chibitoke. Il y a aussi la cour d'appel de Muha, il y a aussi la cour d'appel de Makamba et la cour d'appel de Bururi qui va rester avec le ressort du tribunal de grande instance de Rumonge et Bururi. La ministre Aimée Laurentine Kanyana explique que cette création de nouvelles cours d'appel a été motivée par le fait que les procès perdurent et de longues distances que parcourent les justiciables pour interjeter appel. Sur la question des maisons qu'elle avait annoncé qu'elles seront saisies et vendues pour avoir contribué dans des forfaits et enfin servi à d'indemnité, la ministre Kanyana justifie que les indemnités proviennent de n'importe où, mais tranquillise que les maisons non impliquées dans des infractions ne seront pas touchés comme recommandé par le président de la République, que les biens des exilés soient protégés. Vous savez, si une infraction a été commise, il y a l'auteur de l'infraction, il y a aussi la victime qui réclame d'être réhabilitée, qui réclame une indemnisation. Et l'indemnisation peut provenir de n'importe quelle ressource de la personne qui a commis l'infraction. La ministre Aimée Laurentine Kanyana, selon les nouvelles réformes de son ministère, demande aux responsables des tribunaux de présenter leur planification trimestrielle dont on va tenir compte pendant leur évaluation. Elini Bele Nibigira et 13 organisations de la société civile viennent d'adresser une correspondance au président ougandais, président en exercice de la communauté est-africaine et médiateur dans le conflit, dans le dialogue plutôt inter-burundais. Dans une conférence de presse de ce vendredi, Hamza Venawuriku, qui est président de CAPES Plus au nom de ces organisations, parle d'un clin d'œil qu'elles viennent de faire au médiateur pour assurer la médiation d'une façon impartiale. Malgré les dérapages dans la lettre ministre de Museveni, ces organisations disent n'avoir pas de prérogative de récuser le médiateur. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, la conférence des évêques catholiques met la CENI au pied du mur en affirmant connaître le nom du vainqueur de la présidentielle. La commission électorale dit de son côté avoir compilé 20% des résultats, ce que le pouvoir congolais reproche régulièrement à l'Église catholique. Et selon RFI, c'est qu'elle a toujours été sur tous les fronts, et notamment celui de l'observation électorale. La conférence épiscopale dit disposer d'un échantillon représentant le PV affiché dans les bureaux de vote qui lui permettent de connaître le nom du président élu. Cet échantillon porté sur l'instant, pour l'instant sur plus de 23 000 bureaux de vote, sur les quelques 70 000 bureaux installés par la CENI. L'Église peut se targuer d'avoir la mission la mieux financée et la plus importante avec 40 000 observateurs déployés sur tout le pays. Il ne nous revient pas de proclamer les résultats, mais nous avons observé que le peuple congolais a fait le choix d'un candidat comme président de la République, dit Donatien Scholl, le porte-parole de la CENCO. La conférence épiscopale s'est à la CENI de proclamer « Nous sommes là pour observer », renchérit-il. La CENI dit encore éprouver de difficultés dans la compilation des résultats, alors que la proclamation des résultats provisoires est prévue le 6 janvier. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les déchets ménagers qui sont fermentescibles et éparpillés partout en mairie de Bujumbura constituent une véritable nuisance pour l'environnement. Un expert en sciences chimiques et sciences de l'environnement indique que leur décomposition conduit à la production des odeurs qui attirent différents insectes. Professeur Théophile Ndikoumana explique que ces déchets peuvent être traités par filière compostage afin de produire des engrais comme dans les plantes dont les plantes Pluton ont besoin. Chronique environnement avec Christella Nizigam. Dans notre précédente chronique environnement, nous vous avions parlé des déchets solides ménagers constitués par des plastiques nuisibles à l'environnement. En plus de ces derniers, professeur Ndikoumana Théophile, expert en sciences chimiques et environnement, explique que les déchets constitués par des matières fermentescibles constituent aussi une nuisance pour l'environnement. Les déchets constituent une véritable nuisance dans la mesure où leur décomposition conduit à la production des odeurs qui ne sont pas agréables, et également la prolifération de nuisibles du genre rats, mouches, insectes, divers. Dans nos recherches menées depuis plusieurs années, on a constaté qu'à Bujumbura, un citoyen produit environ 570 grammes par jour, ce qui nous amène à peu près 210 kg par an. Alors que la population moyenne de Bujumbura est de 600 000 habitants, vous voyez que si l'on produit 210 kg fois 600 000, vous avez un tonnage extrêmement important. Il y a trois méthodes de traitement de ces déchets, comme l'explique cet expert. On peut les traiter thermiquement, soit à température moyenne. C'est ce que nous appelons la pyrolyse. Nous allons obtenir, évidemment, de la vapeur d'eau, un gaz et même des huiles et ce que nous appelons communément char, une espèce de charbon pulvérulent provenant donc de ces matières. Deuxième étape, c'est la gazéification. Et là, on va obtenir du gaz seulement. Mais le gaz, il peut être brûlé. Et ces huiles peuvent être engagées dans des synthèses diverses. Pour ce professeur, le traitement le mieux adapté est celui du compostage simple afin d'obtenir des engrais naturels. Un citoyen produit 210 kg par an. Et vous prenez une moyenne de 600 000 habitants, ça fait un tonnage très important. Donc il y a moyen de traiter ces déchets. On peut envisager plusieurs filières simultanément. Il y a la filière thermique, mais également il y a une troisième que je n'ai pas citée, c'est la filière compostage. De nouveau, on a fait des recherches là-dessus. Il y a soit le compostage simple, c'est-à-dire on va laisser travailler les micro-organismes quand les matériaux sont enfouis dans une fosse préparée à cet effet. Ou alors, il existe une autre méthode, c'est le compostage avec des matières de vidange, des fosses septiques. Et on obtient à la fin de l'opération un produit de très bonne qualité agronomique, avec un bon rapport carbone-azote dont les plantes ont besoin. Cet expert lance un appel au gouvernement et aux opérateurs économiques de s'impliquer davantage dans la gestion de ces matières fermentées cibles. La responsabilité première revient toujours à l'État, mais les privés peuvent également intervenir. Signalons qu'un équipement de pyrolyse peut coûter facilement à peu près 120 000 euros, mais l'État est capable de libérer ces montants. Ou alors les privés se mettent ensemble pour mutualiser leurs avoirs et ainsi pouvoir traiter ces déchets. Les traiter, il faut qu'ils puissent en tirer de l'argent. Professeur Ndikoumana Théophile fait savoir que ces déchets ménagers, constitués par des matières fermentées cibles, constituent des fertilisants pour le sol dégradé. Christella Nizigama, et c'est par cette chronique environnement que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.